L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. L'association des petits frères des pauvres a déménagé cette année pour un nouveau local au 150 avenue du Général Leclerc à Nancy, toujours. Eh bien, c'est l'occasion de découvrir cette association qui existe depuis de nombreuses années sur Nancy et d'expliquer un peu ce qu'on y fait. Pour nous en parler, eh bien, nous accueillons Michel Berthélémy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du conseil d'équipe, vous êtes un peu plus chargé de la com un peu au sein de l'association, on peut dire ça comme ça ? On va dire ça comme ça, de façon artisanale encore une fois. Cette association, je vous le disais, elle existe depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait ? Elle n'existe pas qu'à Nancy d'ailleurs, elle existe un peu partout. Tout à fait. Hein. C'est donc une association créée en 1946 par M. Armand Marquiset, qui est développée à la fois sur le territoire français, mais aussi dans le monde, puisqu'elle est représentée dans 10 pays différents. Irlande, Suisse, Roumanie, Espagne, aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Et c'est une association, en fait, totalement laïque, j'insiste là-dessus, qui a pour but en fait d'accompagner et de venir en aide de façon fraternelle essentiellement aux personnes âgées de plus de 50 ans qui souffrent de solitude, de pauvreté, d'exclusion, d'isolement, de maladies graves. C'est une association qui a pris beaucoup d'ampleur depuis les années 80 essentiellement et qui est maintenant régie au niveau national de façon assez stricte avec une charte qui existe depuis 1988 où on recense essentiellement trois missions importantes. La première, c'est bien sûr accompagner donc nos personnes âgées, donc accompagner à la fois donc par des visites à domicile dans leur quartier, en hébergement collectif, dans les lieux plus dramatiques en fin de vie, sur certaines régions en milieu carcéral ou en situation de précarité. La deuxième mission qui est donc d'agir collectivement, cette association ayant pris donc une grande ampleur, elle est maintenant régie au niveau national et apporte beaucoup d'aide au niveau des bénévoles. Ils ne sont jamais isolés dans leur action, toujours soutenus par une équipe, que ce soit sur Nancy ou ailleurs, régulièrement formés avec bien sûr des formations adéquates sur les personnes âgées, la prise en charge, la psychologie à utiliser. Et dernière mission de l'association, témoigner, alerter, on va dire, puisqu'en fait, à partir du moment où on intervient dans certains milieux, on est forcément témoin de certaines choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Elles ne peuvent pas toujours être mauvaises, mais bon, souvent, elles sont délicates et il est important de pouvoir témoigner au niveau des pouvoirs publics. On peut parler de la maltraitance des personnes âgées ou des problèmes au niveau hospitalier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est au niveau national et local en corrélation avec plusieurs associations. On est intégré dans les associations de représentants des usagers du système de santé. On travaille de concert avec la lutte contre maltraitance, l'association ALMA ou avec l'association Mona Lisa, qui est une association de mobilisation nationale contre l'isolement des personnes âgées. Donc l'association des petits frères des pauvres, on le voit, il y a de nombreuses missions, et bien sûr au niveau local, ça se fait depuis de nombreuses années, depuis les années 60, que ça existe sur les Nancy. Début des années 70. Je le disais aussi tout à l'heure, il y a un nouveau local, on va y revenir, mais avant cela, parlons un peu des gens qui la font vivre, cette association. Vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui ? Alors, on va dire qu'on est 70 bénévoles réguliers. Ce qu'on appelle réguliers, ce sont des bénévoles qui font plusieurs actions dans le mois, de 2 heures tous les mois, c'est pas quelque chose qui est forcément très prenant, mais ça peut être bien sûr plus en fonction des disponibilités de chacun, pour à peu près 90 personnes accompagnées sur le site de Nancy. Bon, là-dessus, on peut rajouter des bénévoles ponctuels qui sont présents pour des missions bien particulières, comme par exemple ce qui va arriver bientôt, les missions de Noël, où on apporte des colis, où on permet de véhiculer donc des personnes accompagnées au repas, ou tout simplement être effectivement chauffeur pour une action bien précise dans l'année. Pour votre cas particulièrement, Michel Berthélémy, qu'est-ce qui vous a amené à devenir bénévole pour l'association des petits frères des pauvres de Nancy ? Étant hospitalier, je connaissais déjà un peu le milieu de la gériatrie, bien sûr, puisque, encore une fois, l'association est ciblée sur les personnes âgées. Mais c'est tout simplement à l'occasion d'une action de bénévolat de Noël, ce qui se fait tous les ans, livraison de colis et de plateaux repas aux personnes accompagnées, que j'ai intégré l'association il y a 3 ans maintenant, et j'y suis resté en prenant de plus en plus part à des activités diverses, que ce soit les visites des personnes ou plutôt les actions collectives, pour mon cas, essentiellement à la permanence qui vient de déménager ou dans des autres locaux, comme notre maison d'accueil à Dommartemont qui est utilisée de plus en plus actuellement. Alors vous le venez de le redire justement, le local a déménagé. Maintenant, les petits frères des pauvres, on les retrouve au 150 avenue du Général Leclerc. Alors pourquoi ce nouveau local ? Alors tout simplement pour un gain de place. Hein. Le précédent local se situe à peu près à la même adresse, hein, mais par contre était assez vétuste, pas forcément aux normes pour l'accueil des personnes accompagnées, et pas très spacieux. Et nous avons donc décidé de développer un petit peu toutes les activités hein, qu'on peut faire sur ce lieu d'accueil. Il nous fallait donc un local beaucoup plus spacieux et beaucoup mieux équipé, raison de ce changement actuel. Voilà, quelles nouvelles activités proposerez-vous prochainement peut-être ? Alors, sur le plan du local, on a déjà un accueil qui est régulier tous les mercredis après-midi. Où on accueille donc nos personnes accompagnées qui viennent soit encore une fois par l'intermédiaire de bénévoles chauffeurs, soit par des associations comme le GIP sur Nancy hein, qui transportent les personnes handicapées. Donc c'est une permanence, on va dire, de convivialité, d'accueil autour d'un café, de discussion, d'aide un petit peu à tout point de vue. Et on développe également bon, ce qu'on appelle le lien téléphonique. Tous les vendredis après-midi, nous téléphonons aux personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, qui ont besoin d'un petit soutien par le voie de la parole. Ça nous permet d'avoir un contact avec d'autres personnes à ce niveau-là, ça s'est développé. C'est des choses qui existaient déjà, on développe maintenant sur le plan du local, à la fois des choses, on va dire, un peu plus ludiques, des activités comme des animations, bon, on avait des ateliers jeux, on développe des activités de karaoké, de projection de cinéma, des activités un peu différentes pour organiser un petit peu les choses, comme par exemple l'atelier informatique que j'ai mis en place récemment. On sait bien qu'actuellement, on parle beaucoup de fractures numériques et les personnes âgées sont particulièrement démunis à ce niveau-là, donc il faut un petit peu les entraîner au nouveau mode de communication. Les ateliers mémoire, là aussi, qui sont à la fois ludiques et efficaces pour l'entraînement hein, de nos personnes âgées, des ateliers de peinture, de cuisine, des conférences, on a des intervenants au niveau de la santé ou éventuellement au niveau juridique qui viennent faire des conférences pour mettre au point un petit peu les dernières nouvelles. Et ça, ce sont essentiellement les actions qui se situent sur place. Parlons un peu de cette période de fin d'année avec Noël qui approche, vous avez parlé des des repas que vous alliez apporter. C'est une période un peu particulière pour l'association ? Tout à fait. Ça existe bien sûr depuis de nombreuses années. En fait, au départ, il y a toujours eu un repas convivial tous les ans, donc le 25 décembre, tout d'abord à l'école Saint-Sigisbert et qui maintenant, depuis 3 ans, va se dérouler au Novotel à l'Axou où on peut accueillir à peu près entre 40 et 50 personnes accompagnées. Donc c'est vraiment un repas restaurant avec animation, etc. pour leur faire passer un Noël loin de l'isolement, de la solitude. Ça, c'est pour les personnes qui le veuillent bien, qui sont éventuellement suffisamment autonomes pour pouvoir y participer. Pour les personnes moins autonomes ou qui ne le désirent pas, il y a donc des visites à domicile où on apporte, selon les cas, un plateau repas qui a été fait par un traiteur de Nancy qui permet aussi là, de passer un petit moment plus agréable que tout seul devant sa télé. J'insiste sur le fait que en fait, c'est pas uniquement une livraison de plateau repas, mais c'est un moment de convivialité, de fraternité. Exactement, il y a un échange qui se fait. Tout à fait. C'est, hein, le but, c'est de rester avec la personne, de discuter avec elle, de voir éventuellement des problèmes, etc. Et pour les personnes encore un peu plus moins autonomes, on va dire, ou qui sont en institution, qui ne peuvent pas bénéficier de plateau repas, il y a donc des colis qui sont préparés, qu'on livre de la même manière avec nos bénévoles. Bon, les colis où vous trouvez donc des petites fournitures diverses, cosmétiques, mini-hardises, enfin tout ce qui peut faire plaisir à Noël dans cette période-là. Alors, comment on peut faire pour vous rencontrer, rejoindre votre équipe éventuellement de bénévoles ou proposer d'autres choses ? Tout à fait. Alors bon, il y a toujours donc la permanence qui est donc au 150 avenue du Gérald Leclerc avec le numéro de téléphone que je vous donne, donc 03 83 54 19 31 et notre email nancy@petitfrèresdespauvres.fr, tout ça en minuscules. Voilà, est-ce que vous auriez un dernier mot, Michel Berthélémy, pour résumer un peu l'action des Petits Frères des Pauvres ? L'action, elle est de plus en plus prégnante sur la localité et sur l'agglomération nancéenne. Elle se développe beaucoup, non seulement au niveau de la permanence, mais au niveau des actions collectives, que ce soit sorties, vacances. Tous les ans, on les emmène donc en vacances. Cette année, donc, ils ont bénéficié de 10 jours dans les Vosges à Senones, hein, toujours accompagnés de nos bénévoles, évidemment. Des sorties au théâtre, concerts, etc. Et bien sûr, de notre maison de Martemont qui permet d'accueillir à la fois pour des repas à la journée, mais aussi sur des mini-vacances, on va dire, sur 2-3 jours, les personnes qui ne veulent pas s'éloigner, un cadre agréable, Ça, c'est une première chose. Et surtout, participation donc, à la vie associative de Nancy. J'insiste sur le fait que, bon, la période de Noël arrivant, on a toujours besoin de bénévoles supplémentaires, ne serait-ce que pour une action ponctuelle. Hein, simplement aller porter ou accompagner quelqu'un qui va porter un colis, un plateau repas. C'est encore une fois, c'est comme ça que j'y suis rentré et que j'y suis resté. Ça peut éventuellement être une façon d'appréhender l'association en n'étant pas tout seul. 03 83 54 19 31 et bien sûr une adresse 150 avenue du Général Leclerc à Nancy. Michel Berthélémy, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.